germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. That I fight for the ever, for the fever that fire. So whatever they have to rip that if for whatever the paper. Faire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le cas Battisti, notre invité Marcel Padovani en duplex de Rome, dans les studios de la RAI. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par l'actualité, bien sûr, et tout d'abord ce retour vers l'Italie pour Battisti et la case prison. Où est-il en ce moment et quelle est la prochaine étape pour lui ? Alors, il est en ce moment dans une prison de sécurité en Sardaigne, à Oristano, et il a parlé avec des radicaux qui sont venus le trouver en prison avant-hier, et il a fait part de ses premières impressions. Il a expliqué « Je ne suis plus l'homme d'il y a 40 ans, je me sens humilié, je ne lis pas les journaux, je refuse de regarder la télé ». Et il a, donne l'impression d'être dans une phase un peu de rejet de sa situation. Mais est-ce que je peux vous dire quelque chose, Fabrice, sur le reportage que vous avez fait, qui est très bon, très, oui, très mais... riche et très intéressant? Dans le genre, oui, mais... Oui, le petit mais minuscule, allez. C'est qu'il y a un oubli. Oui. Il y a un oubli. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, en 2014, valide les condamnations de la justice italienne en considérant qu'elles sont tout à fait, comment dire, elles se sont déroulées selon les normes judiciaires en cours et qu'elles sont parfaitement justifiées. Donc ça manque quand même parce que Battisti avait fait recours auprès de la Cour européenne et la Cour a donné raison à la justice italienne, pas à Battisti. Je pense qu'il faut quand même le dire pour rééquilibrer. Mais c'est dit. Ça y est. Voilà. Alors justement. Et puis attendez, il y a une deuxième chose, qui est au niveau de l'interprétation, si vous permettez, c'est qu'il y a, quand même un équivoque de fond tout le temps qui apparaît quand en France on parle de Battisti. Alors Battisti, il est toujours présenté comme un activiste, un militant, un révolutionnaire, etc. En Italie, c'est un terroriste, un ex-terroriste, c'est quelqu'un qui comment dire, a commencé comme un petit voleur, qui s'est radicalisé en prison et qui a continué ses exactions, ses vols, ses expropriations prolétaires sous une couverture idéologique qui était celle des prolétaires armés pour le communisme. Absolument. Et est-ce que justement, on a le sentiment en Italie qu'il a plus défendu sa cause que la cause ? On pense qu'il n'avait rien à voir avec la cause. Bah, c'est vraiment un petit délinquant. Enfin, ça, c'est un peu... Moi, j'en ai parlé beaucoup avec les magistrats qui se sont occupés de lui, etc. Il faut aussi remarquer que Battisti a toujours refusé d'affronter la justice italienne. Mmh. Il a refusé d'assister à ses procès. Il a refusé même d'être interrogé à distance. Donc, on n'a pas sa version. On ne sait pas. À aucun moment, il n'a expliqué ou il n'a cherché même à expliquer ce qu'avait été son engagement et quelles avaient été ses exactions. Bien, parce alors. Qu'il en a fait. D'accord. Je reviens sur le calendrier, d'accord, c'est important de dire, et ouais. Je précise au passage, Marcel Padovani, que c'est bien le concept de l'émission, qu'il y a un récit et que parfois l'invité, il est là pour ça, vient donner un complément, et c'est bien comme ça. Okay. Condamné par contumace à perpétuité, alors que se passe-t-il dans ce cas et dans le cas de Battisti? Il va rester sur cette condamnation, il y aura un nouveau procès, qu'est-ce qu'on peut imaginer là pour alors, l'avenir? Alors là, non, pour l'avenir on peut rien imaginer de ce genre, parce qu'il a eu les 3 degrés de jugement, premier degré, deuxième degré et cassation, validation par la Cour européenne, c'est terminé sur ce terrain, à moins qu'il n'y ait un fait nouveau. Mais alors là, ce serait une nouvelle instruction, un nouveau procès. Mais sur ces 4 condamnations à perpétuité, 2 pour avoir commis directement l'homicide et 2 autres pour avoir participé à l'homicide, il n'est plus possible de revenir en arrière. Alors, on comprend bien, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce que sont les charges pour lui, par rapport au fait qu'on ne revient pas en arrière vis-à-vis de la condamnation, il y avait une volonté farouche, importante des Italiens de le récupérer. Est-ce que ça veut dire que politiquement, ça solde les comptes de cette période si noire en Italie qu'on a appelée les années de plomb, même s'il a défendu plus sa cause, à lui tout seul, que la cause? Oui, non, moi je crois que ça ne solde rien du tout. Ça a été, les années de plomb sont une chose terrible qui pèse encore sur la conscience. Les près de 400 morts, les 2000 blessés. Des morts d'ailleurs, je vous signale, pas du côté des terroristes, hein, ou des morts des magistrats, des professeurs. Et des passants, des gens qui étaient, des gens. Oui, de tout. Oui. Des hommes politiques, mais enfin, pas des fascistes, pas des gens infâmes. En général, les brigades rouges spécialement choisissaient leurs objectifs sur les personnes les plus évoluées, les plus à gauche, les plus coopérantes, celles qui avaient le plus de possibilités de, comment dire, de changer la société, de la moderniser, de la réformer. C'est ça qui est quand même intéressant. Et pendant ces 10 années terribles de 72 à 82, en gros, parce que ce sont ces 10 années-là, il faut aussi quand même signaler que c'est un pays qui ne s'est doté d'aucune loi spéciale, aucun tribunal spécial, et que c'est vraiment avec la justice ordinaire et avec souvent la mobilisation des gens que le terrorisme a été battu. Par la vertu démocratique, finalement. La vertu démocratique, c'est trop gentil, mais il y a eu vraiment une mobilisation populaire. Moi, j'ai vécu cette période en Italie. Vous savez, on marchait dans les rues, on rencontrait des gens, on parlait avec un peu n'importe qui. Les gens étaient concernés. C'est exactement le contraire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où l'opinion italienne est en train de supporter des choses que je définirais infâme, sans broncher. Alors qu'à l'époque du terrorisme, il y avait une grande mobilisation populaire. Alors le retour de Battisti, évidemment, ça a été une victoire pour Matteo Salvini, pour le gouvernement, pour les Italiens aussi. Donc ça a été considéré comme une bonne nouvelle et qui va profiter à certains en fait en Italie aussi. Ben, ce qu'il y a, c'est que c'était peut-être au départ une bonne nouvelle, mais c'est devenu tellement un phénomène jubilatoire de la part des dirigeants du Movimento 5 Stelle et de la Ligue que ça a vraiment dégoûté les gens. Je ne sais pas si vous voyez la scène. On met une petite table à l'aéroport avec des fleurs, 2 micros, 2 ministres qui se présentent, l'un habillé, attendez, avec l'uniforme de la police et l'autre avec l'uniforme de l'administration pénitentiaire, mais c'est honteux. C'est honteux. Je crois que les gens se sont rendus compte qu'il y a, enfin l'opinion publique s'est rendue compte qu'il y avait une exagération jubilatoire qui n'avait rien à voir avec l'enjeu réel. Bien, alors on va revenir sur la grande cavale et les tensions diplomatiques qui avaient commencé après la fuite de Battisti d'Italie. D'abord, il a retrouvé refuge en France, bien sûr, il a été protégé par ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand, que le président du même nom présentait en 1985. On a entendu une partie de sa déclaration, je vais vous faire entendre maintenant la fin de cette même déclaration. Tout crime de sang sur lequel on nous demande justice, de quelque pays que ce soit, et particulièrement l'Italie, justifie l'extradition Le cas particulier qui nous est posé, qui alimente les conversations, c'est celui d'un certain nombre d'Italiens, venus pour la plupart depuis longtemps en France. Ils sont de l'ordre de 300 environ. Plus d'une centaine étaient déjà là avant 1981, qui ont, d'une façon évidente, rompu avec le terrorisme. Ils ne seront pas extradés. Alors, comment on a analysé, ressenti, reçu en Italie, à l'époque, en 1985, puisque vous y étiez, ce qu'on a appelé la doctrine Mitterrand? Qu'est-ce qu'on disait? Mais écoutez, moi, je vais vous dire que j'ai même rencontré directement François Mitterrand plusieurs fois sur ce sujet. Et j'essayais de lui expliquer quelles étaient les réactions des Italiens, etc. Et il avait eu une espèce d'explication pour justifier son comportement en disant que quand il y a terrorisme dans un pays, ça veut dire que ce pays n'est pas complètement démocratique. Voilà ce qu'il me disait à moi pour justifier les non-extraditions que réclamait la justice. Alors la doctrine Mitterrand a été vécue assez mal en Italie, surtout au niveau judiciaire, c'est-à-dire au niveau des magistrats qui se battaient pour obtenir des condamnations. Puis après, ça a sombré un peu dans l'oubli. Disons que tout ça a ressurgi aujourd'hui avec ce gouvernement jaune-vert qui joue surtout, qui est sur la propagande, sur les facilités, qui est un petit peu consternant. Alors, il y a eu effectivement cette doctrine Mitterrand, et puis son successeur, Jacques Chirac, alors lui n'avait pas du tout la même politique, d'où l'arrestation de Battisti en 2004 en France. Oui. Et puis alors, Battisti donc a fui, alors il se justifiait, Battisti, par l'impossibilité de pouvoir se défendre en Italie, parce qu'il serait condamné à coup sûr. Finalement, que valait cet argument? Moi, je ne peux pas me mettre dans sa peau. Quand quelqu'un se sent innocent et a les moyens de prouver son innocence, je pense qu'il devrait affronter la justice. Mais je ne sais pas quels étaient exactement les arguments qu'il aurait pu utiliser. Le fait est qu'il a refusé, c'est lui qui a refusé de participer au procès qui le concernait. Et il a refusé toutes les fois qu'il a été sollicité. Ses avocats ont fait savoir qu'il n'entendait pas participer. Alors, en 2004, cette année-là, justement, quand Battisti s'est retrouvé en position périlleuse en France, plusieurs intellectuels l'ont soutenu, genre, il faut sauver le soldat Battisti au nom de la gauche, au nom de ses idéaux. Oui. L'archéologue et auteur de Polar, Fred Vargas, s'était beaucoup investi avec ce livre, notamment intitulé « La vérité sur Cesare Battisti ». On l'écoute ensemble. Quant aux faits qui lui sont reprochés, on a été obligé de venir sur ce terrain, malheureusement, parce que là, il y a eu une propagande italienne terrifiante sur lui, et ces faits, Battisti, il n'y a jamais eu la moindre preuve, ni le moindre indice, ni la moindre enquête à son sujet pour les homicides. D'ailleurs, la première fois qu'il a été condamné en Italie, ce n'était pas du tout le sujet. Ils n'avaient jamais rien eu contre lui là-dessus. Ces lois spéciales italiennes avaient créé la figure très médiévale du repenti, c'est-à-dire un accusé qui on proposait de se repentir, c'est-à-dire de gagner sa liberté en échange de dénonciation. Mais on le tenait très longtemps pour qu'il donne le maximum de noms. Donc il y a eu des versions très différentes de l'accusation, ce repenti qui a accusé Battisti des années après. Il y a eu trois versions différentes de l'accusation. C'était une confusion extrême, forcément, parce que de version en version, finalement, il lui a collé sur le dos la totalité des actes des PACs. C'est en ça que ce n'est pas une justice ordinaire. Ce n'était pas du tout pour ça au début qu'on se battait. Mais l'Italie a envoyé un tel déferlement de diffamation judiciaire sur son cas qu'on est obligé de rappeler sa présomption d'innocence à 100%, parce qu'on ne peut pas laisser diaboliser un homme non plus. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est approximatif, c'est pas très bien informé, mais ce n'est pas, je la comprends, elle défend quelqu'un en qui elle croit, quelqu'un qu'elle considère comme innocent, mais elle dit des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les repentis, ce qu'on appelle des collaborateurs de la justice, et cela existe dans tous les pays du monde, heureusement, les repentis, par exemple, pour ce qui concerne la mafia, ont permis que Cosa Nostra soit déconstruite. Et pour ce qui regarde le terrorisme, ils ont été aussi extrêmement utiles. Ce sont des gens qui n'ont pas été mis en liberté contrairement à ce que dit Fred Vargas, c'est des gens qui ont purgé une partie de leur peine, en général la moitié, hein, certains ont obtenu le tiers, et puis après ils étaient remis en liberté, mais ils ont quand même purgé leur peine. C'est pas des gens à qui on offrait la liberté en échange de n'importe quoi, voilà. Alors un politologue brésilien, lui, disait « Cesare Battisti est une peau de banane sur laquelle personne ne veut glisser ». Peut-être que vous voulez dire qu'il avait un pouvoir de nuisance, de révélation. On a un peu de mal à le croire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que c'est quelqu'un qui, comment dire, dont le destin est allé au-delà de ses désirs, pratiquement. Je pense que c'est quelqu'un qui était resté un petit voleur, mais vraiment un petit voleur de rien du tout, radicalisé en prison. Il s'est quand même enfui de la prison où il avait été condamné justement pour des petits vols en 1981. Et je crois qu'il est resté ce petit type qui a trouvé une espèce d'onction idéologique, mais à laquelle probablement il ne croyait pas vraiment. Alors quand vous parlez de petit type, vous pourrez penser petite frappe, je ne sais pas. N'empêche que quand il a été arrêté, c'est pour ça que vous avez dit petit délinquant, mais enfin quand il a été arrêté... Un petit délinquant, parce qu'il est, quand il a été arrêté, il a été arrêté pour des petits vols à l'étalage, je crois, si je me souviens bien. On le dit au début du récit d'ailleurs. C'est rien du tout. Donc petit type, je garde ça. Effectivement, quand il a été arrêté, en Bolivie, il déambulait dans la rue, titubant, méconnaissable, derrière des lunettes avec à peine $2 en poche. Enfin, c'est comme ça que l'a décrit la police. Effectivement, ça fait fin de partie, et ça fait fin de partie pour un homme seul, petit type, comme vous dites. Hein. Je dis petit délinquant plutôt que petit type. délinquant. Bon. C'est pas méchant, mais c'est. Et oui, il a donné cette impression. Et d'ailleurs, avec les deux députés radicaux qu'il a vus avant-hier en prison, il a dit « Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ma peine. » Et je pense qu'il y a quelque chose de vrai dans ça. Je pense qu'il a dû vivre ses 40 années de manière dur, pas extrêmement agréable, pas seulement pour la cavale, mais par rapport à son propre passé, par rapport à sa vie, par rapport à ses engagements, par rapport à un peu tout. Quand quelqu'un fait le bilan de sa vie, il a 64 ans, donc il fait un peu le bilan de sa vie. Puisqu'on dit, vous dites un peu de tout, parmi le tout, il y avait le Battisti écrivain. Était-il un bon écrivain? Est-ce que vous avez lu ses livres, ou quelques-uns, ou au moins un? Écoutez, je les ai feuilletés, sans finir vraiment aucun. D'accord, parce j'ai que compris. Ça ne me fascinait pas, franchement. Vous êtes tombé des mains, quoi. Dites-moi. Pas vraiment, mais ça ne me fascinait pas. Puisqu'il nous reste une minute 15, c'est court, mais enfin, comment va l'Italie depuis 8-9 mois maintenant, depuis qu'ils ont ces pays à ce nouveau gouvernement? Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire, elle va mal? Elle va très mal. Moi, je pense que l'Italie est en train de vivre une période qui est beaucoup plus grave que la période du terrorisme. C'est quelque chose, d'indéfinissable. Il y a une espèce de revanche de l'ignorance, de revanche de l'incompétence, de revanche de celui qui ne sait rien et qui gouverne et qui est en train de porter ce pays au précipice du point de vue économique et du point de vue de la crédibilité internationale. Dès lors qu'on ne parle effectivement que de l'aile droite de ce gouvernement, ça peut être le cas, mais enfin, l'aile gauche de ce gouvernement, elle a abouti sur des premières réformes sociales? Mais quelle aile gauche? Ce sont deux populismes qui se sont mis ensemble. Alors, il y en a un qui est un peu plus orienté vers les grands travaux, la reprise de l'économie, et l'autre qui est un peu plus orienté vers l'assistance. Mais il n'y a pas de vraie politique. Je veux dire, par exemple, dans la polémique actuelle des gouvernants italiens contre la France, ils se sabordent, ils sont en train de se saborder. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sabordent l'Italie. Bon, écoutez, les jours prochains et les mois prochains vont nous le dire, Marcel Padovani. On en parlera. Vous avez compris que c'est la fin de l'entretien. Il me reste à vous remercier pour tous vos éclairages et votre connaissance de ce dossier-là et de l'Italie, évidemment. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Battisti, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.